Tiré de contes du Pays Gallo, les éditions de l'Avenir présentent Le cochon du Père Chenette. Le petit père Chenette, couturier à la journée, qui demeurait au village de la Ferronnais, dans la commune de Pléchâtel, revenait chez lui un soir très tard lorsqu'il rencontra dans son chemin un cochon qui semblait égaré. Tiens, voici un cochon qui a été perdu. Comme ça se trouve à propos, moi qui n'ai plus de lard dans mon charnier. Je vais l'emmener, si on ne le réclame pas, ma foi, je lui ferai son affaire. Il s'avança vers l'animal pour s'en emparer. Mais celui-ci passa la tête entre les jambes de Chenette qui, tout surpris, n'eut que le temps de lui saisir la queue pour ne pas tomber. Le tailleur se trouvait à reculons sur la bête qui l'emporta dans une course folle jusqu'au village de la Ferronnais. Ce singulier pourceau déposa Chenette à sa porte et s'apprêtait à le suivre dans la maison lorsqu'il lui ferma la porte au nez. C'est un faux cochon. S'il entrait chez moi, il me jouerait des tours. Le lendemain matin, le couturier trouva l'animal qui l'attendait et qui, comme la veille, se mussa entre ses jambes et l'emporta de la même façon jusqu'à la porte de la personne chez laquelle il devait aller travailler. Le soir, il en fut encore de même et ainsi de suite tous les jours. Le pauvre couturier ne parvenait pas à éviter le cochon qui lui causait maintenant une peur effroyable. Il n'en dormait plus la nuit, perdait l'appétit ainsi que son entrain et sa gaieté. Le pauvre homme dépérissait à vue d'œil. Ce manège dura un mois, puis l'animal disparut complètement. Chenette, en racontant son histoire à ses pratiques, disait « C'était bien sûr... un chrétien métamorphosé en cochon par le diable. Le temps de la métamorphose expiré, il a dû reprendre sa forme humaine. » Conté par Joson Jolivet de Pléchâtel, âgé de 78 ans.